L'arrêt est interdit sur la route? Réponse A. Sur l'accotement? Réponse B. L'interdiction commence au panneau? Oui, réponse C. Non, réponse D.